ce samedi à Tour et Taxi, Onion Jack. Onion Jack, la soirée aussi anglaise que Shakespeare, mais plus trash que les Sex Pistols. Onion Jack, avec la meilleure musique de Londres par DJ Alison Marx. Une femme deep, progressive et très sexy. Onion Jack, du côté des Belges, Marco et Sophie. Onion Jack. La soirée Onion Jack, c'est ce samedi à Tour et Taxi. Onion Jack. Ça, tu nous énerves. Non mais dis donc, nous sommes gros soucieux. Il mériterait d'être expulsé après ça. Mais attends, mais laisse-moi terminer, quoi. Eh, bougez pas, les gars, à tout de suite. Tribal. C'est bon, d'accord. Tribal Party, lundi, 18h30. Tribal Party on Energy. Ça, c'est ce qu'on appelle sec. Sec. Eric, quelle surprise! Dis donc, c'est la belle vie pour toi. Avec une voiture pareille, Dieter & Meiser, tu connais? Je viens de profiter de leur grande campagne de déstockage. Des conditions monstres sur tout le stock VW et Audi. Ils ont des polos à partir de 349 000 francs. Et la Beetle, ils ont des Beetle? Oui, oui, calme-toi. Des TDI à 685 000 francs et plus de 150 000 francs de remise sur les Audi A4 de direction. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Dieter & Meiser, 510 chaussée de Louvain, à deux coups de volant de la place Meiser. Dieter & Meiser, bienvenue aux exigeants. Les cercles de Sciences Éco de l'ULB, l'ECAM et le CEA présentent la RIC Atmosphère. Ce Serial Winner, le 10 novembre à l'Hippodrome de Boisfort. La RIC Atmosphère, c'est ce mercredi 10 novembre. Prévente dans les cercles, avec énergie. 30 CD singles, l'Euro Hot 30. Les plus gros hits d'Europe. Gagnez-les chaque dimanche. L'Euro Hot 30. 30 CD singles chez vous, c'est l'Euro Hot 30. L'Euro Hot 30, dimanche 15h sur Énergie. Partout en Europe, restez branchés avec Movistar Center for Jaco. Movistar Center for Jaco vous donne les fréquences de vos week-ends. Énergie Cannes, 99.2, Genève, 103.6. Movistar Center for Jaco, 1384, chaussée de Waterloo, à Uccle. Quel est le montant de la cagnotte déjà? 300 euros. 300 euros, allez, on fait 9 alors. L'Euro Mago, il était là.